Lettre dixième. Longchamp, les 3 heures d'agonie à Saint-Roch, sermon sur la passion, espérance des catholiques, O'Connell. Vous savez sans doute, mon ami, quoique je l'ignorasse, que les mercredis, jeudis et vendredis de la semaine sainte sont tous les ans consacrés par les Parisiens à une magnifique promenade en voiture, à cheval et à pied, à une partie du bois de Boulogne qu'on appelle Longchamp. J'étais assez embarrassé pour expliquer l'origine de ce nombreux et brillant assemblage d'équipages et de personnes, réunis évidemment dans le seul but de voir et de se faire voir, et cela dans des jours si généralement consacrés à des exercices religieux. J'en ai obtenu une explication dont je vous ferai part dans l'espérance qu'elle sera nouvelle pour vous. Il paraît que cette coutume est elle-même une sorte d'exercice religieux, ou du moins, qu'elle l'était à l'époque de sa première institution. Quand le beau monde de Paris adopta pour la première fois l'usage de se rendre à Longchamp, pendant ses jours de pénitence et de prière, il s'y trouvait un couvent, dont les religieuses étaient célèbres pour chanter les offices de ces saintes journées avec une piété et un recueillement extraordinaires. Aussi, tant qu'elles conservèrent cette réputation, c'est-à-dire jusqu'à la première révolution, on regardait comme un bonheur particulier d'être admis dans la chapelle pour entendre leurs 12 voix. À la Révolution, le couvent fut détruit. Mais les chevaux et les voitures de Paris continuent, comme par un mouvement machinal, à suivre la même direction quand arrive la fin du carême. Ce spectacle est extrêmement agréable. Il rivalise avec celui qu'offre le Hyde Park, un beau dimanche de printemps, quant au nombre et à l'élégance des équipages, et le surpasse infiniment pour l'étendue et la magnificence de la route qu'il parcourt. Quoique les personnes qui font partie de cet assemblage de tout ce que Paris renferme d'opulence, de rang, de beauté et de bon ton disent encore qu'elles vont à Longchamp, la promenade, tant pour celles qui vont en voiture que pour les cavaliers et les piétons, se borne aujourd'hui à la superbe avenue qui conduit de l'entrée des Champs-Élysées à la barrière de l'Étoile. Depuis 3 heures de l'après-midi jusqu'à 6, tout ce vaste espace est rempli de monde, et j'avouerai que je ne croyais pas qu'il fût possible de réunir autre part qu'à Londres un si grand nombre de beaux et riches équipages. La famille royale avait plusieurs magnifiques voitures. Celle du duc d'Orléans est surtout remarquable par la beauté des chevaux et l'élégance de l'ensemble. Les ministres d'État et toutes les légations étrangères firent honneur à l'occasion, la plupart dans de riches équipages, avec des chasseurs à plumet de différentes couleurs, et des chevaux fort bien enharnachés. L'éclat de la scène était augmenté par d'assez beaux équipages de divers particuliers, mais surtout par les belles femmes qu'ils renfermaient. La seule personne qui arriva à la promenade avec 2 voitures, 2 chasseurs à plumet et 2 attelages de 4 chevaux magnifiquement carapassonnés fut M. T., négociant américain, de qui les immenses richesses et les dépenses plus vastes encore répandent, dit-on, la plus grande consternation parmi ses modestes compatriotes. On nous assurait que la singularité du goût transatlantique de ce Crésus, égalant la vivacité de son imagination, il s'est montré pendant les 3 jours de Longchamp, chaque fois avec une livrée différente. Il n'avait du reste, sans doute, aucune raison de famille pour préférer une couleur à une autre. De distance en distance, on voyait plusieurs élégants anglais à cheval, ce qui n'ajoutait pas peu à l'agrément de l'ensemble, par la noble allure, les jolies caracolades et le poil uni de leur monture, car un cheval de sel anglais de bonne race et bien dressé est sans contredit la plus gracieuse créature du monde. Il ne manquait pas non plus, pour compléter le spectacle, de cavaliers français fort bien montés, tandis que les contre-allées étaient remplies par une innombrable foule de piétons bien mis, de sorte que la scène entière formait une masse mouvante de pompe et de plaisir. Toutefois, le temps était loin de favoriser cette année la promenade de Longchamp. Le vent était si piquant que pendant toute la journée du mercredi, nous restâmes frissonnant à côté de notre feu. Le lendemain, le temps étant un peu moins rude, nous nous risquâmes à sortir. Mais le spectacle qui nous attendait était réellement choquant. Plusieurs d'entre les voitures étaient ouvertes et les dames qui les occupaient étaient pâles de froid dans leurs légers et flottants costumes de printemps. Car vous saurez que c'est à Longchamp que se montrent pour la première fois les nouvelles modes de la saison commençante, et quelque versé que l'on soit dans cette importante science, nul ne peut dire quelle sera la forme du chapeau, la couleur de l'écharpe ou du châle, que la capricieuse déesse imposera à ses adoratrices, jusqu'à ce que la promenade décisive de Longchamp soit passée. En conséquence, les marchands de mode avaient fait leur devoir, et à dire vrai, elles avaient grandement devancé le printemps. Mais c'était triste à voir comme les belles branches de lilas, les gracieuses et flexibles cities, merveilleux ouvrages de l'art, pliaient et se rompaient au vent. On eût dit que le paresseux printemps, fâché de voir imiter avec tant de perfection les fleurs qu'il ne voulait pas encore envoyer, faisait souffler exprès cette cruelle bise pour flétrir l'ouvrage de ses rivaux. Tout alla mal ce jour-là. Une pluie glacée mouilla les frais rubans, et les plumes, au lieu de jouer gracieusement avec les zéphyrs, comme elles l'auraient dû, eurent à soutenir un rude combat contre Boré. Le lendemain encore, la journée commença de la manière la plus fâcheuse. 6 pouces de neige couvraient tous les toits. Mais vers midi, le soleil se montra, et quoiqu'il fît encore si froid que l'Angleterre elle-même aurait eu honte d'un pareil 17 avril, le ciel du moins étant assez pur, Longchamp présenta réellement ce brillant assemblage de voitures, de cavaliers, de piétons que je vous ai décrit plus haut. Nous demeurâmes, comme tout le reste de Paris, montant et descendant en voiture au milieu de cette agréable foule jusqu'à 6 heures du soir, quand elle diminua peu à peu et que chacun rentra chez soi pour dîner. La première partie de cette journée, qui était le Vendredi Saint, s'était passée d'une manière bien différente. Cette belle et solennelle musique, qui jadis attirait tout Paris au bois de Boulogne, se fait maintenant entendre dans plusieurs églises de la capitale. On nous avait conseillé d'aller à Saint-Roch, et je dois convenir que je n'avais jamais entendu de service divin aussi touchant. Je trouve qu'il y a une grande sagesse à accorder à la musique une part importante dans les cérémonies de la religion. Il n'y a rien qui commande et enchaîne l'attention avec autant de force. L'oreille est parfois sourde à l'éloquence, et les pensées rampent souvent sur la terre en dépit de tous les efforts du prédicateur pour les élever vers le ciel. Mais il est rare que l'on puisse échapper à l'effet de la musique. Et quand elle offre le caractère de celle qui s'exécute dans une église catholique le jour du Vendredi Saint, je ne crois pas possible que l'auditeur le plus léger et le plus indifférent puisse l'entendre sans émotion. On appelle ce service les 3 heures d'agonie. La foule assemblée pour y assister était immense. Je ne saurais louer assez la composition de la musique. C'est tout ce que l'on peut imaginer de plus sublime, et la manière fortement impressive dont elle a été exécutée m'a rappelé l'anecdote de ce jeune organiste qui avait accompagné une hymne autrement que son prédécesseur. Quand on lui demanda s'il n'avait pas changé la composition, il répondit « Non, mais j'ai toujours coutume de lire les paroles en jouant. » Je pense que les musiciens qui exécutent le service du Vendredi Saint à Saint-Roch font comme ce jeune organiste, car il est impossible de rien imaginer de plus touchant et de plus pathétique que la manière dont l'ensemble de ces frappantes cérémonies se célèbrent dans cette église. Le terrible évangile du jour fournit un texte à l'ardente éloquence de plusieurs prédicateurs qui se succédèrent, et dans lesquels il y en avait un ou deux qui décrivirent l'affreux événement avec une force admirable. C'étaient tous des hommes fort jeunes, mais ils racontèrent l'effrayante histoire avec une si grande solennité, des images si fortes et une éloquence si véhémente qu'ils produisirent un effet prodigieux. Par intervalles, l'orgue, uni à plusieurs instruments à cordes et à un chœur de voix mélodieuse, exécutait ce même évangile de manière à glacer le sang dans les veines. La souffrance, la soumission, le plaintif mais sublime « consummatum est » et l'élan convulsif de la nature indignée qui suivit, se manifestant par le tonnerre, la grêle et le tremblement de terre, tout cela fut présenté à l'esprit avec une force miraculeuse. On m'a dit depuis que le service à Notre-Dame était encore plus beau ce jour-là, mais en vérité, j'éprouve quelques difficultés à croire que cela soit possible. Pendant ces 3 derniers et solennels jours du carême, je me suis efforcé, par tous les moyens en mon pouvoir, de découvrir si et jusqu'à quel point l'on jeûne. Si cette pénitence se fait réellement, il est bien certain qu'elle a lieu dans le véritable esprit de l'Évangile, qui nous dit de jeûner sans que cela paraisse aux yeux des hommes. En effet, tout se passe avec autant de gaieté que si nous étions encore au temps du carnaval. Les restaurants exhalent le parfum de 100 mets différents, les théâtres sont ouverts et aussi pleins que les églises, les invitations ne cessent point, et rien de ce qui m'entoure ne me rappelle que je suis au milieu d'un peuple catholique à une époque de pénitence. Et pourtant, quelque contradictoire que cette assertion puisse paraître avec ce que je viens de dire, je suis convaincu qu'en aucun temps, depuis un demi-siècle, le clergé de l'Église de Rome n'a senti plus fortement qu'à présent l'espoir de recouvrer sa puissance. Et à dire vrai, je ne crois pas qu'il soit à cet égard dans une bien grande erreur. La part que les prêtres catholiques ont eue dans la Révolution belge, et le rôle plus remarquable encore qu'ils jouent en ce moment dans les premières scènes du drame terrible qui se prépare en Angleterre, ont donné une nouvelle impulsion à l'ambition de Rome et de ses enfants. On lit cette impulsion dans le maintien orgueilleux de ces jeunes prêtres. On la lit dans le regard profondément méditatif de ceux qui sont plus âgés. Elle est encore visible dans leurs ornements tout neufs en drap d'or et d'argent, dans les précieuses décorations de leurs hôtels renouvelés, et bien profondément surtout dans cette politique qui leur dit que ce n'est que par la douceur qu'ils regagneront ce qu'ils ont perdu par la prépotence. Je ne puis m'empêcher de croire que dans leurs assemblées secrètes, ils se disent souvent « Nul homme ne met une pièce de drap neuf dans une vieille robe, car ce que l'on y met pour la remplir haute à la robe et le trou en devient plus visible. » S'ils étaient moins prudents, ils échoueraient dès l'abord, mais ils chatouillent leurs néophytes avant d'essayer de les convaincre. C'est pour cela que la chaire est confiée aux hommes jeunes et éloquents, qui gagnent l'œil et l'oreille de leurs auditeurs, longtemps avant que ceux-ci se doutent du but où l'on veut les conduire. Mais pendant que les jeunes hommes prêchent, les vieux ne sont pas oisifs. Ils font courir de toutes parts des bruits de nouveaux couvents, de nouveaux monastères, de nouveaux ordres, de nouveaux convertis. Cette secte rusée, mondaine, calme en apparence, mais au fond d'une ambition effrénée, s'étend de tous côtés réunie à la cause de la démocratie, regarde tranquillement le résultat de ses travaux et épie, comme un tigre qui feint de dormir, le moment où elle pourra se venger du vent jeune de puissance pendant lequel elle a vécu en rongeant sa propre chair. En ce moment, enfin, elle salue l'aurore d'un nouveau jour. Je voudrais que toute l'Angleterre pût entendre comme moi les prophéties qui se débitent sur le renversement de notre Église nationale, comme sur un événement aussi certain que la pluie après une longue sécheresse. Je voudrais que toute l'Angleterre pût entendre comme moi le nom d'O'Connell cité comme celui d'un nouvel apôtre et la hardiesse avec laquelle il attaque ceux qui osent encore élever la voix pour défendre la croyance de leur père, offerte comme une preuve triomphante de l'influence de cet homme et de la foi catholique qui sont en effet inséparables. Mais pardonnez-moi, je me suis singulièrement écarté de mon sujet et c'est d'ailleurs là un point dont il vaut mieux que je ne m'occupe pas. Je ne saurais en parler légèrement, car mon cœur est oppressé quand j'y pense, et je ne puis le traiter avec la gravité qu'il mérite, car je n'ai que tout juste assez de force pour gémir. Ainsi donc, adieu.